venez de sortir de chez vous, mais est-ce que vous avez bien fermé la porte à clé? Est-ce que vous avez fermé le gaz, les fenêtres? Est-ce que vous avez vérifié le courrier? À moins qu'il ne s'agisse d'une envie irrépressible de vous laver les mains, les dents, le visage. Alors ces pensées parasites, tout le monde les a eues un jour ou l'autre, mais lorsqu'elles reviennent sans cesse, lorsqu'il devient impossible de réfréner ces pulsions de vérification, de rangement, de nettoyage, la vie se transforme rapidement en cauchemar. Que sont exactement ces TOC, ces troubles obsessionnels compulsifs? Des troubles qui ne sont pas un mal contemporain, puisque Shakespeare les dépeignait déjà chez Lady Macbeth. D'où viennent-ils et comment les guérir? TOC, une vie sous contrôle, c'est le programme répétitif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'état de nos connaissances sur ces TOC, qui touchent jusqu'à 2% de la population, qui constitue la quatrième pathologie psychiatrique la plus fréquente, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Luc Mallet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en neurosciences, professeur de psychiatrie à l'université Paris-Est Créteil et chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et bonjour Karim Ndiaye. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche et chercheur également à l'ICM, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et responsable de la plateforme PRISM, dédié aux études cognitives et comportementales chez l'humain. Mais pour commencer, eh bien, on fait le tour, comme tous les lundis et comme tous les jours d'ailleurs, de l'actualité scientifique du jour avec le Journal des Sciences et Natacha Trioux. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour ouvrir ce journal, la découverte d'une pièce manquante pour mieux comprendre la maladie d'Alzheimer. Les deux principales caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, ce sont des dépôts dans le cerveau de peptides bêta-amyloïdes et une accumulation de protéines tau qui provoque une destruction cellulaire. On sait aussi que les neurones qui produisent l'adrénaline et la noradrénaline dégénèrent assez tôt dans la maladie. Une étude vient de paraître dans la revue Science et elle fait un lien direct entre la bêta-amyloïde, la protéine tau, et les récepteurs à la noradrénaline. Les chercheurs de l'université de l'Alabama ont découvert, sur des souris puis sur des tissus humains, une série de réactions en chaîne. Les peptides bêta-amyloïdes perturbent le système noradrénergique, ce qui a pour conséquence d'amplifier les tommages causés par la protéine tau. Florence Cavega est post-doctorante dans l'équipe maladie d'Alzheimer, maladie à prion, à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris. Le peptide bêta-amyloïde, la bêta, se lie donc sur ses récepteurs à la noradrénaline et détourne en fait leur signal principal vers une kinase qui s'appelle la GSK3-bêta. C'est un petit nom compliqué, mais c'est une kinase qui vient phosphoryler la protéine tau et plutôt l'hyperphosphoryler, donc la mettre dans une situation pathologique et qui donc entraîne les agrégats de la protéine tau dans la maladie d'Alzheimer et donc la pathologie de la protéine tau. Donc là, nous avons démontré un lien direct entre le peptide A-bêta et la protéine tau, d'où A-bêta qui entraînerait la pathologie de la protéine tau. En bloquant ce récepteur, en fait, ils empêchent cette cascade donc néfaste, si vous voulez, qui est amenée par A-bêta à diriger vers une toxicité de la protéine tau. Cette étude est très importante pour les approches thérapeutiques parce qu'elle va viser donc cette cascade via les récepteurs à l'adrénaline et on peut empêcher en bloquant ces récepteurs la liaison de la bêta sur ces récepteurs et donc par la suite la pathologie de la protéine tau. Il faut savoir que ces récepteurs, le peptide A-bêta à des concentrations très infimes, très très petites, va se lier sur ce récepteur. Donc si vous voulez, cette étude dit que c'est souvent, on essaie de réduire les concentrations d'A-bêta dans le cerveau des patients, alors que même à des concentrations très infimes, ils peuvent avoir des rôles, vous voyez, sur la pathologie. Donc là, on pourrait moduler de façon supplémentaire la thérapie en empêchant donc le peptide A-bêta d'agir via ses récepteurs adrénergiques pour causer la pathologie de tau. Voilà, et le lien vers l'étude publiée dans Science, vous pouvez le retrouver sur le fil Twitter de la méthode scientifique, @lamethodefc, ainsi que d'ici la fin de l'émission, sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. L'Angleterre va relancer un prototype de réacteur à fusion nucléaire. Oui, le JET, le Joint European Torus. Cela fait 23 ans qu'il n'a pas fonctionné, mais en 1997, son réacteur Tokamak avait réalisé 3 records. 2 nouveaux tests auront lieu en novembre. Les Britanniques veulent créer une boule de plasma de 100 millions de degrés et espèrent la maintenir pendant 5 secondes. Financé par l'Union Européenne, JET teste les technologies de carburant pour le programme ITER. Le réacteur ITER, toujours en construction dans le sud de la France, devrait lui produire son premier plasma en 2025. Selon une étude parue dans Wildlife Research, des fléchettes contraceptives seraient efficaces pour limiter les naissances de chevaux sauvages. Dans certaines régions américaines, les populations de chevaux sauvages grimpent en flèche. Ils n'ont pas de prédateurs et on en recense plus de 70 000 alors que la limite est fixée à 45 000. L'université Tufts, dans le Massachusetts, a perfectionné une ancienne méthode. Des fléchettes contraceptives tirées à distance. Et la méthode fait ses preuves. Sur les 17 juments traités, seuls 2 ont donné naissance à des poulains. Donc selon les auteurs, les contraceptifs à action prolongée sont des stratégies efficaces pour réduire les populations de la faune sauvage. Et pour finir, une étude parue dans la revue Ichnos éclaire un mystère de paléontologie. Mais depuis 2007, au Texas, des empreintes fossiles de sauropodes, un cousin de Diplodocus, laissaient perplexes les chercheurs. Dans des roches vieilles de 110 millions d'années, on y voit des traces de marches bipèdes faites avec les pattes avant. C'est une énigme, car ces dinosaures sont longs de 25 mètres et lourds de 78 tonnes. Impossible donc de pouvoir marcher de cette façon. Les chercheurs de l'Indiana University avancent donc une explication. Ces traces auraient été laissées par ces animaux alors qu'ils pataugeaient dans un lac et qu'ils utilisaient leurs pattes avant pour pousser le sol. En d'autres mots, ce sont les traces d'un dinosaure barboteur. Merci Natacha, quelle déception, on imaginait bien un Diplodocus faire le poirier. Mais je pense qu'effectivement en termes physiques c'est un peu compliqué. On vous retrouve demain en tout cas pour le prochain journal des sciences. Nous parlons donc des troubles obsessionnels compulsifs tout au long de cette heure. Va-t'en, maudite tâche, qu'est-ce donc qui pousse Lady Macbeth à se laver les mains compulsivement pour tenter de faire disparaître cette tache de sang? Est-ce sa culpabilité? Sont-ce ses remords ou serait-ce, eh bien pourquoi pas, la première occurrence littéraire historique de ce que l'on appelle donc aujourd'hui les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs? C'est des ordres qui poussent les personnes qui en souffrent à répéter soit des pensées en boucle, soit des actions qui deviennent irrépressibles. Mais dans l'imaginaire collectif contemporain, et notamment dans la façon dont s'en emparent les médias, les TOC sont ce désordre un peu étrange, confusément amusant, traité comme une curiosité, voire une curiosité rigolote, comme en atteste l'habillage musical et le traitement de ce documentaire produit par la chaîne National Geographic. C'est horrible. Une tâche aussi simple que sortir la poubelle peut être très dangereuse, mentalement. Je dois soulever le couvercle de la bonne manière. 1, 2, 3, 4. J'essaye d'avoir la bonne image, la bonne pensée et de mettre le sac dans le bon sens avant de le lâcher dans la poubelle. Ah non, pas comme ça. Sinon, il va se passer un truc grave. Ah non. Presque à chaque fois, je dois replonger dans cette poubelle dégoûtante, sortir le sac et recommencer en essayant d'être calme. Et là, l'angoisse arrive. Et ça monte, ça monte, ça monte. Chad est prisonnier de son propre cerveau. Voilà, le traitement, vous l'entendez, hein, qui utilise tous les codes sonores et visuels aussi, vous pouvez vous l'imaginer, de la télé-réalité. Comment expliquer aujourd'hui, Luc Mallet, Karim Ndiaye, que finalement les médias généralistes se soient emparés de ce qui est quand même un trouble psychiatrique conséquent, qui touche une partie conséquente de la population, comme finalement d'une sorte de trouble vaguement distrayant qui occupe les plateaux, les talk-shows de l'après-midi à la télévision? Alors comment l'expliquer? C'est sans doute Il y a un travail de sociologie des médias à faire que vous serez peut-être même plus à même que moi à faire, mais on a travaillé spécifiquement sur les représentations des troubles mentaux, et c'est vrai que il y a une découverte qui s'est faite dans le grand public de la diversité des troubles mentaux. On avait peut-être un peu par le passé cette notion que bon, il y avait les troubles mentaux, c'était la folie, quelque chose d'un peu globalisant, et le travail à la fois des associations, des médecins, de la recherche aussi, des médias plus scientifiques par exemple, comme les émissions comme celle-ci, ont fait aussi que les gens ont compris qu'il y avait une diversité de phénomènes et ont essayé de les décrire un peu plus, de façon un peu plus, on va dire, scientifique ou de façon un peu plus propre que ce qui était fait. Et puis par ailleurs, il y a eu aussi l'ouverture de l'accès à des personnes qui sont venues témoigner. Donc on a vraiment cette émergence-là, les sociologues ont bien décrit cela, l'arrivée de ces patients qui témoignent de leur vécu et qui vont donc illustrer, incarner vraiment des troubles, ce qui était autrefois un peu invisibilisé dans les médias. Et donc pour les TOC, c'est quelque chose de très frappant. C'est un tout petit, après c'est un tout petit peu moi mon arrivée dans la recherche, mais d'autres pourront en parler. Les témoignages de patients ont révélé à d'autres patients qui vivaient de ces troubles-là que ce qu'ils vivaient comme troubles, ce qu'ils traversaient était vraiment quelque chose qui relevait de la médecine. Et donc ça a révélé à eux-mêmes quelque part. Donc il y a aussi du positif dans tout ça, et je pense que peut-être Luc pourra compléter d'ailleurs. Luc Mallet. Oui, l'autre élément, c'est que parmi les troubles psychiatriques, les TOC sont composés de symptômes qu'en fait quasiment tout le monde va expérimenter un jour dans sa vie. Et je pense que c'est un élément assez important, c'est-à-dire que tout le monde a vérifié sa valise avant de faire un grand voyage, une fois par an, plusieurs fois, de façon non raisonnable. Pour autant, ça constitue pas un TOC, mais ça constitue des symptômes qui sont les symptômes TOC, et par ailleurs, des mécanismes de pensée, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, surtout en parlant de certains travaux de recherche, des mécanismes de pensée, par exemple, notre façon d'appréhender l'incertitude et le doute, sont quelque chose que tout le monde expérimente. Simplement, les patients qui sont atteints de TOC expérimentent cette dimension de façon totalement envahissante. Mais je pense que chacun peut se projeter assez facilement dans ce que peut éprouver un patient qui a un TOC, sauf que ce qu'on sous-estime évidemment, c'est l'importance, la détresse, la souffrance et l'impact. Et dans le document que vous nous avez fait entendre, effectivement, il y a un contraste entre la musique et le décorum et ce qu'on sent chez ce patient, qui est une détresse que l'on sent, et quand on connaît les patients qui sont de toi, qui est absolument considérable et ce qui n'est absolument rien d'amusant. Mais voilà, enfin, on peut se représenter assez facilement ce que c'est que de devoir vérifier ou d'avoir un doute sur la porte fermée. L'exemple que je prenais justement au tout début dans la présentation de cette émission, est-ce qu'il y a un seuil pathologique particulier entre effectivement bien ces doutes que l'on peut avoir à certains moments qui peuvent être liés à des états d'anxiété, à des états de fatigue, et le moment où ils deviennent effectivement envahissants? Qui veut répondre? Luc Mallet. Oui, alors moi je vais apporter une réponse qui est une réponse officielle, c'est-à-dire que comme tout trouble psychiatrique, on a des définitions qui sont inscrites, qui s'élaborent au cours du temps aussi avec la représentation aussi sociale des maladies, et on a pris comme je dirais comme seuil le fait qu'il faut que ça interfère plus d'une heure par jour pour dire que c'est un trouble obsessionnel compulsif en tant que trouble. Après, c'est une catégorisation dont les limites sont bien sûr en pratique un peu floues, mais on considère que dès lors qu'on a un impact, alors là non quantifié en termes de chiffres, mais un impact significatif donc qui reste à évaluer sur la vie, le fonctionnement, la capacité à travailler, à avoir des relations sociales, un tas de choses, alors on a un trouble constitué. En dehors ou en dessous de ce seuil, on va pas parler de trouble obsessionnel compulsif, mais de symptômes, mettons. Karim Ndiaye. Oui, pour aller dans ce sens-là, c'est effectivement, il y a aussi une diversité de troubles, et donc une des difficultés de la psychiatrie, c'est de quantifier ça, et c'est tout un travail de la recherche, on pourrait y revenir, c'est de comment on peut essayer d'objectiver des choses qui sont éminemment subjectives, effectivement. Je le disais au tout début de cette émission, on dit, ou j'ai lu en tout cas, plutôt qu'on dit, que les TOC seraient la quatrième affection psychiatrique la plus courante. Quelle est l'épidémiologie? Est-ce qu'on dispose aujourd'hui d'études épidémiologiques qui permettent justement de quantifier la fréquence de ces troubles au sein de la population en France et peut-être plus généralement? Oui, on a des études épidémiologiques depuis longtemps sur des grandes études épidémiologiques sur des sites américains ou dans des pays nordiques, quoi. Et bon, les données sont quand même très reproductibles, c'est-à-dire qu'on estime qu'effectivement 2 à 3% de la population est atteint de troubles obsessionnels compulsifs, et ce, De façon totalement ubiquitaire dans le monde. Et ça, c'est important parce que, quelles que soient les cultures, en fait, alors on a des variations dans l'expression de ces symptômes. On pourrait prendre un exemple. Enfin, si par exemple, on a une peur de contamination, ben, dans un pays, ça va être la peur du sida, mais dans un autre pays, ça va être la peur de la syphilis, ou des choses comme ça. Ou alors, des façons un peu plus complexes, par exemple, dans les interactions entre les obsessions de nature religieuse avec certaines pratiques religieuses. Pour autant, qui sont totalement distinctes de la spiritualité en tant que telle. Mais on a vraiment une expression très constante. Donc c'est 2 à 3% de la population, il y a l'impression qu'il y a un tout petit peu plus de femmes que d'hommes qui sont atteintes, mais en fait dans les populations cliniques on retrouve un ratio qui en réalité est égal, et je ne sais pas, enfin on peut aller un petit peu plus loin, une bonne proportion de ces patients ont des symptômes qui débutent plutôt dans l'enfance, alors plutôt pour les garçons c'est souvent dans l'enfance, avant l'adolescence, et c'est un peu plus tard pour les femmes, donc il y aurait comme une espèce de population comme ça, bimodal. Alors on n'a aucune interprétation personnellement scientifique sur le sujet. Ce qu'on constate, c'est que dans les formes qui sont un peu plus tardives, mettons après 20 ans, entre 20 et 30 ans, on a souvent une comorbidité dépressive qui est associée au début du trouble obsessionnel compulsif, ou des phénomènes traumatiques. On a vu aussi des populations où, par exemple après la grossesse, il y a une augmentation. Mais là, ce sont des corrélations d'événements et absolument pas une causalité ni une explication. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc des troubles obsessionnels compulsifs en compagnie de Luc Mallet et de Karim Ndiaye. Je citais Shakespeare parce que quand on s'intéresse aux troubles obsessionnels compulsifs, il y a évidemment ce personnage et cette scène dans Macbeth où Lady Macbeth essaye frénétiquement de faire disparaître cette tache de sang que l'on cite comme étant le premier exemple littéraire ou en tout cas historique. Ça veut dire que on parlait d'épidémiologie à l'instant, ça veut dire que les TOC ne sont pas non plus, Karim Ndiaye, un trouble stricto sensu contemporain. Alors non, si on s'en réfère évidemment à la définition par définition, la définition a été constituée dans la deuxième moitié du XXe siècle, donc on ne pouvait pas parler de TOC au préalable, ça correspond à des définitions qui se recouvrent partiellement, peut-être pas totalement, mais en tout cas très largement, avec ce qui s'est appelé un temps la névrose obsessionnelle. Et on peut remonter au XIXe siècle, y compris dans la psychiatrie française, où on parlait de folie résonante, chez Pinel, de folie morale. Mmh. Donc on a vraiment une historicité dans les traces écrites de ce trouble. Et des auteurs comme Pierre-Henri Castel ont vraiment fait l'inventaire à travers l'histoire, avec une thèse après sur le détail de l'inscription socio-culturelle de ces troubles, mais qui décrit des textes, par exemple chez les Grecs, chez Théophraste, de la superstition, où on retrouve ce qui pourrait s'interpréter comme un TOC. Alors, dans le contexte culturel de l'époque, traduit aujourd'hui, évidemment, c'est très difficile de l'identifier, mais il y a des éléments assez clairs. Et par ailleurs, il y a des données que Luc évoquait, transculturelles, où on peut, chez des populations qui sont relativement distantes en termes socioculturels des populations occidentales, on peut rapporter des cas assez bien caractérisés de TOC aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison de penser que ces cas-là n'existaient pas. Et par exemple, il y a un cas qui me vient d'un chercheur qui décrivait à Bali des patients qui avaient comme obsession de devoir réciter la généalogie des gens qui passaient leur porte. C'est évidemment quelque chose qui n'a aucun sens dans notre culture, mais qui, dans la culture de là-bas, représente un risque social et donc une précaution sociale à prendre que ces patients se devaient prendre. Donc, on peut imaginer que ce genre de phénomène a eu lieu dans toute l'histoire humaine, effectivement. Luc Mallet, à quel moment se fixe l'acception aujourd'hui contemporaine des troubles obsessionnels compulsifs? Je crois que Freud et Pierre Janet vont notamment décrire ce trouble obsessionnel sans passage à l'acte. Oui, alors c'est-à-dire que à ce moment-là, il y a effectivement des descriptions qui sont très centrées sur les pensées et les craintes. Alors encore une fois, c'est très intéressant parce que c'est sûr que la façon de décrire le TOC, ça procède de la narration des signes et de la production d'interprétation des signes, de la sémiologie qui, elle, a énormément bougé avec le TOC moderne. Et je pense que c'était très bien de citer effectivement Pierre-Henri Castel qui a bien montré comment on avait vraiment une sémiologie dans le TOC moderne où il y avait un changement de logique d'attribution du sens de la sémiologie qui allait vers, qui prenait tous les éléments modernes de la naturalisation du trouble. Et c'est-à-dire que cela change énormément la façon de décrire. Donc, des fois, c'est assez difficile de comparer avec les premières descriptions sémiologiques. Ceci dit, ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, la notion de culpabilité était absolument centrale chez Freud, et que la notion de difficulté à faire face au doute était centrale chez Janet, ce qui quand même, Janet était un auteur d'une modernité extraordinaire, puisqu'aujourd'hui, ça fait partie cette difficulté à réguler la face à l'incertitude, qui est un phénomène qui est inscrit dans la physiologie, auquel on fait face dès l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, est atteint, et ça c'est une pensée assez moderne. Mais sinon, aujourd'hui, je dirais que les pensées décrites, par exemple, on fait référence à Macbeth ou en tout cas à Freud, font partie par exemple des phobies d'impulsion, c'est-à-dire que la crainte de commettre des actes qui sont généralement absolument interdits et sans jamais qu'en fait ces actes ne soient commis en fait effectivement pour les patients qui souffrent de TOC. Mmh. Alors peut-être qu'on peut en arriver à cette définition contemporaine de quoi on parle, parce que dans trouble obsessionnel compulsif il y a évidemment trois mots, ça, je ne vais pas vous apprendre grand chose. Trouble, ça on le comprendra bien, mais il y a obsession et compulsion, donc ça recouvre finalement un champ diagnostique relativement vaste et relativement large. Karim Ndiaye. Ouais. Alors effectivement, dans les trois mots, il y a trouble qui donc correspond à une entité sémiologique de la psychiatrie. Et derrière, il y a ces obsessions et compulsions qui sont les deux volets. Alors je vais décrire en quelques mots et puis sans doute Luc pourra compléter. La dimension obsessionnelle, c'est vraiment cette dimension qu'évoquait à l'instant Luc. C'est l'idée de pensée intrusive, dérangeante, envahissante. Et associé à des contenus en général anxieux, sur des thématiques de scénarios catastrophes, de morbidité, etc. Et puis, il y a des comportements répétitifs, ritualisés, relativement rigides, au sens où ils sont répétés avec un certain format. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, au moins dans le discours des patients, et qu'on observe après dans la clinique, voire en situation expérimentale, où les patients vont se mettre à répéter un certain nombre de gestes. Et il y a une association entre les deux qui est pas triviale. On pourrait imaginer qu'il y ait ces deux composantes-là indépendantes. Mais là, dans le TOC, les deux sont liés, au moins dans le discours et dans la représentation qu'en donnent les patients, à savoir que le geste vient conjurer la pensée. Parmi les modèles de ce qu'on appelle aujourd'hui les modèles cognitifs du TOC, c'est cette idée que le comportement va survenir et va valider quelque part la pensée, puisque si je vérifie ma porte quand j'ai la pensée que peut-être il pourrait y avoir un voleur qui arrive, en vérifiant ma porte, j'ai effectivement pas de voleur qui entre chez moi, et quelque part ma pensée est validée et j'ai eu raison de valider de vérifier cette porte, et ce cercle vicieux se constitue et se cristallise. Et est-ce qu'il y a nécessairement, parce que voilà, on pense à aller vérifier la porte fermée, le gaz, etc. Est-ce qu'il y a nécessairement une composante motrice dans les troubles obsessionnels compulsifs ? Est-ce qu'il peut y avoir des troubles obsessionnels qui ne soient pas compulsifs ou qui n'aient pas de compulsion, ou l'un sans l'autre, Luc Mallet ? Oui, il peut tout à fait y avoir. Alors c'est une question extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'il y a des formes qui sont purement, on va dire, cognitives, et puis il y a des formes qui ont des compulsions, mais des compulsions mentales, donc qui ne se voient pas, mais pour lesquelles on aurait tendance à pouvoir distinguer la description du phénomène. Bon, je reprends justement pour illustrer ça. Bon, les obsessions, quand on parle de pensées intrusives, hein, ça peut être des pensées, des images, des injonctions, des pulsions qui sont effectivement ressenties comme étant contraire à sa volonté, ce qui est un élément extrêmement important diagnostique dans le TOC. Elles sont généralement associées avec de l'anxiété, peut-être plus au début du trouble que dans son évolution. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans les descriptions les plus modernes, si on prend les derniers travaux qui décrivent le TOC, on voit petit à petit l'incorporation d'une notion qui nous intéresse beaucoup en tant que chercheurs, parce qu'on la défend depuis déjà quelques temps, c'est qu'on dit que les compulsions renvoient à un sentiment chez le sujet qui les effectue d'être obligé de les accomplir en réponse à ses idées. Et il y a déjà eu un glissement sémantique avec ça par rapport à avant. On disait avant, les rituels étaient vécus comme étant des rituels visant à neutraliser ses idées. Aujourd'hui, on dit que le sujet sent que c'est ça qui est nécessaire. Et en fait, ce qu'on ouvre comme porte tout à fait intéressante, c'est la non-linéarité de la causalité entre les obsessions et les compulsions. Même, voire un peu plus, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on constate, si on essaie d'étudier les choses, c'est que souvent les compulsions précèdent les obsessions. Donc, ce que les patients rapportent n'est pas forcément, entre guillemets, je prends beaucoup de guillemets pour dire ça, la réalité. Mais en tout cas, c'est leur réalité psychique, ça c'est sûr. Mmh. Mais il se trouve que nous, ça nous intéresse beaucoup de penser qu'éventuellement, quand les formes débutent très très tôt, les enfants, par exemple, vont pas forcément exprimer d'obsession, mais vont faire des comportements. Et alors, ça nous, là, ça ouvre un autre chapitre, mais l'idée que les obsessions pourraient être des constructions de rationalisation a posteriori pour pouvoir donner un sens au comportement qu'on est en train de, d'effectuer. Mmh. Si je peux me permettre un tout petit complément, encore une fois... comme le disait Luc, les actes mentaux sont des actes dans les neurosciences cognitives contemporaines. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'expression musculaire, c'est-à-dire on n'a pas la commande motrice qui va jusqu'au muscle, qu'il se passe pas quelque chose. Et on sait bien que par exemple mémoriser un chiffre, c'est un acte mental. Et donc il peut y avoir des actes mentaux, et ça c'est très bien décrit aussi dans la sémiologie, dans la symptomatologie des patients qui vont avoir des compulsions mentales et donc des vérifications mentales qui vont repasser dans leur tête ce qui vient d'être dit. Donc on peut avoir des actes mentaux qui se voient pas comportementalement. Il y a des grandes catégories. Je sais pas si c'est finalement très intéressant de les définir toutes maintenant, mais on distingue bien dans la phase clinique ceux qui relèvent de l'obsession. On est dans le domaine de la contamination, du doute, de l'agression, de la phobie d'impulsion. Enfin, on peut peut-être faire un petit tour clinique Oui, tout à fait. C'est sans doute pas inutile parce que souvent les gens ont du mal à se représenter ce que c'est les obsessions. Donc effectivement, on peut faire de grandes catégories. Donc il y a les obsessions de contamination, donc qui vont être liés à l'idée ou la peur d'être contaminé soit par des virus ou une maladie, mais ça peut être des substances chimiques et souvent ou tout simplement par proximité, ça devient la contamination de la saleté, mais qui peut des fois être tout à fait déclenchée par exemple non pas forcément par une vue mais par des mots. Je pensais à un patient où c'était l'odeur rance pouvait déclencher ça, les glaires ou suppurées, des mots comme ça déclenchaient des obsessions de contamination tout à fait importantes. Et en dehors de ces contaminations, il y a la grande idée, la grande obsession, c'est de faire du mal. Donc, c'est-à-dire que faire du mal à quelqu'un, faire du mal à son entourage, et c'est la notion de responsabilité sur soi-même. C'est-à-dire que le patient qui est atteint de TOC a l'impression que c'est de sa faute. Et ça, on voit quels sont les comportements qui sont attenant à ces obsessions, c'est plutôt les vérifications. Vous allez vérifier, mais en fait, le scénario catastrophe qui est derrière, c'est qu'il pourrait arriver quelque chose qui va faire du mal. J'ai oublié de fermer mon gaz, si ça explose, je vais tuer des gens, enfin, des choses comme ça. Et puis, il y a toutes les pensées qui sont agressives, les pensées agressives qui peuvent être ou non de nature sexuelle. Et là, on a les phobies d'impulsion, par exemple, des phobies d'impulsion pédophiliques ou des choses qui sont extrêmement angoissantes pour les patients, très souvent sont associées à ces pensées des rituels mentaux, pour le coup, et pas des rituels moteurs du tout. Pour désamorcer. Alors ça peut être des pensées aussi, par exemple des idées de damnation, de l'existence d'autrui. Alors avec des pensées religieuses très complexes, tout à fait indépendantes des fois de l'état de croyance spirituelle réelle du sujet, hein, ce qui est tout à fait important. Et puis il y a des obsessions de symétrie. Le fait que d'ordre et de symétrie et correspondent alors pour le coup souvent très très souvent des compulsions de rangement ou de comptage aussi dans la tête du coup vous voyez que là la notion d'acte mental est assez importante. Ce qui est intéressant justement dans ces phobies d'impulsion que décrit Luc Mallet, c'est le lien qu'il peut y avoir plus généralement la comorbidité, mais le lien qu'il peut y avoir entre les TOC, souffrir d'un TOC et le passage à l'acte tel que le décrivait Freud aujourd'hui. On a des chiffres, une épidémiologie, ces TOC sont une barrière. Est-ce que cette barrière est une barrière solide, résistante? Qui veut répondre à ça? Luc Mallet peut-être? Alors une barrière au passage à l'acte, c'est plutôt empirique, c'est-à-dire que effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que pour les patients qui ont un symptôme de TOC, on n'a jamais vu de patient passer à l'acte sur une phobie d'impulsion. Alors, est-ce que c'est une barrière en tant que telle Vous soulevez un doute général qu'on va partager avec tous les patients qui écoutent l'émission, mais qui risque de les angoisser pas mal. Mais j'aurais tendance à leur répondre non. Notre expérience sur des millions de patients, parce que c'est quand même effectivement 2-3% de la population, donc ça fait quand même du monde, c'est que non, les patients qui ont des phobies d'impulsion, par exemple de sauter par la fenêtre ou de prendre un couteau pour blesser quelqu'un, ne passent jamais à l'acte dans le cadre des troubles obsessionnels compulsifs. Alors, évoquons plus généralement la comorbidité des TOC, effectivement, souvent associé à d'importants symptômes anxieux, dépressifs. Oui, alors ça, c'est effectivement l'histoire même du TOC et reflète cela. C'est-à-dire que jusque dans ce qu'on appelle le manuel diagnostique et statistique donc des troubles mentaux, qui est le DSM, qui est quelque part, si on veut, le bottin ou l'annuaire des troubles mentaux par l'association de psychiatres américains, elle définissait au départ le TOC comme une variante, comme faisant partie des troubles anxieux. Et puis, dans la dernière édition, la version 5, il a été vraiment séparé pour mieux, parce qu'il y avait des éléments qui permettait de vraiment le distinguer dans sa réponse à la thérapeutique notamment, des choses comme ça. Donc il y a une comorbidité, ce qui faisait cette première association, mais on a quand même fait cette distinction. Il y a une comorbidité finalement du TOC avec un certain nombre d'autres troubles mentaux, et donc il n'y a pas une comorbidité spécifique. Par contre, c'est vrai que pour certains troubles, notamment les troubles des tics, donc par exemple les Tourette, il peut y avoir une certaine comorbidité. Alors, il faut définir la distinction entre les deux. Voilà. Alors les tics, donc c'est des comportements qui vont être là aussi visibles chez la personne, mais qui sont pas nécessairement associés à l'organisation d'un comportement. Ça peut être un mouvement d'un bras, ça peut être vous avez des gens qui vont se racler la gorge, qui vont crier un mot, morue comme ça, sans avoir de lien très clair avec une pensée anxieuse. Et ça, ces comportements rentrent dans ce qu'on appelle le syndrome de Gilles de la Tourette. Et il y a des comorbidités entre syndrome de Gilles de la Tourette et TOC, dans certaines formes précoces notamment. Mais sinon, on retrouve des comorbidités avec un grand nombre d'autres pathologies, notamment dépressives, comme l'évoquait Luc Mallet, ou anxieuses de façon générale. Ainsi que, évidemment, associer à des comportements addictifs parfois pour essayer justement de tempérer un peu l'envahissement de ces troubles. Alors oui, il y a une association effectivement à des conduites addictives, à la dépression, des conduites addictives. Alors savoir si elles sont là pour tempérer ou c'est une véritable association, c'est un petit peu difficile à dire en fait, parce qu'il y a aussi dans les compulsions, dans la phénoménologie de la compulsion du craving, c'est-à-dire la compulsion à reconsommer des substances, quelque chose qui est très très proche de la compulsivité que l'on observe chez les TOC. Et d'ailleurs, c'est une des pistes de recherche que l'on a d'essayer d'examiner les circuits cérébraux qui sont à l'origine de ce type de comportement, en pensant qu'il y a peut-être des pistes pour la compréhension des compulsions chez le TOC en regardant la compulsivité addictive. Et on va parler évidemment des pistes de traitement, on va explorer aussi l'origine de ces troubles obsessionnels compulsifs. Vous allez voir, et c'est assez passionnant, qu'on ne connaît pas encore l'origine, l'étiologie des TOC. Il y a plusieurs pistes de recherche qui sont intéressantes, on en parle dans quelques minutes. Will shine in my back door someday. I'm gonna lay my head on some lonesome railroad line and let that 219 train pacify. Rosetta Tharpe sur France Culture, Trouble in My Mind à 16h30. C'est le thème de l'émission du jour, les troubles obsessionnels compulsifs. Nous en parlons avec Luc Mallet, qui est chercheur en neurosciences, professeur de psychiatrie à l'Université Paris-Est Créteil et chercheur à l'Institut Cerveau de la Moelle Épinière, et Karim Ndiaye, qui est ingénieur de recherche, également chercheur à l'ICM et responsable de la plateforme PRISM dédiée aux études cognitives et comportementales. Alors justement, je le disais il y a quelques secondes avant la coupure musicale, ne sait pas d'où viennent les TOC, Luc Mallet. L'étiologie est complètement inconnue. Oui, l'étiologie, elle est inconnue. Elle est sans doute, comme pas mal de maladies psychiatriques, polyfactorielles, mais c'est vrai qu'on a une étiologie inconnue. Bon, on a beaucoup espéré de la génétique. Alors, on a des éléments en génétique qui montrent une héritabilité, qui est une notion assez complexe, toujours que les gens confondent avec le fait de transmettre de façon génétique quelque chose. Donc l'héritabilité, juste pour rappeler ça, c'est de la génétique quantitative et ça montre la part de variabilité d'un trait phénotypique, c'est-à-dire par exemple observé dans une population par rapport la variabilité qui est due aux différents facteurs génétiques par rapport aux facteurs environnementaux. Donc aujourd'hui, l'ensemble des analyses montre que à peu près 40% de la variance est génétique dans le TOC. Donc il y a des éléments génétiques, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on a identifié ni des gènes. Il y a une héritabilité. Voilà. Il y a eu quelques petits loquis qui sont souvent associés à un système de neurotransmission. Donc là, des petits sites, pardon. Voilà. Sur le génome. Des petits sites sur le génome qui sont associés, par exemple, à des gènes de transmission glutamatergique. Bon, ce qui va avec un certain nombre de données, on peut penser qu'il y a des dysfonctionnements glutamatergiques, mais de là à ce que ça soit explicatif, là on est sûr que non. Le glutamate étant un des nombreux neurotransmetteurs. Oui, mais très présent. Et voilà. Alors après, il y a des pistes pour les traitements, ça on en reparlera plus tard, qui peuvent être un début de cohérence. Mais franchement, on n'a pas de cause génétique. Dans des causes, il y a eu des syndromes en petit nombre. Par exemple, il y a eu une hypothèse immunologique avec des TOC post-infection streptocoxique chez l'enfant. Des streptocoques à l'origine des angines. Des angines. On sait que c'est des pistes qui sont intéressantes. On parlait de la maladie d'Alzheimer tout à l'heure. On sait que P. gingivalis, la bactérie à l'origine des gingivites, pourrait être impliquée. On sait qu'il peut y avoir des liens entre la sphère bucco-dentaire et certaines affections psychiatriques. Voilà, donc il y a un syndrome qui a été appelé les PANDAS, qui est un syndrome post-streptococcique immunologique, mais qui en fait regroupe non plus seulement les TOC, mais ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple des tics ou des mouvements anormaux, et c'est une entité qui reste quand même assez réduite et qui n'explique pas tous les TOC pour l'instant. Mais il y a des pistes d'investigation, mais je dirais qu'aujourd'hui on a fait beaucoup de progrès ces dernières années, non pas sur l'étiologie, mais par contre sur la compréhension de mécanismes neurobiologiques, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Karim Ndiaye, justement, ce sont évidemment, comme toujours et comme de nombreuses, si ce n'est toutes, les maladies psychiatriques, des maladies extrêmement multifactorielles, plurifactorielles. Est-ce que on a des signes, des traces dans la littérature scientifique de TOC qui seraient liées à des pistes psychologiques ou traumatologiques, en tout cas, des TOC qui apparaissent après des événements marquants ou violents? Alors oui, ça il y en a, et d'ailleurs c'est pas la spécificité des TOC, hein. Enfin c'est le cas de pas mal de pathologies psychiatriques qui a une il y a un risque de développer une pathologie suite à un traumatisme. Après ce qui est vrai pour les TOC, c'est que on a identifié, comme l'évoquait Luc Mallet tout à l'heure, il y a des moments un peu clés, et effectivement il y a des moments clés qui sont pas forcément liés à des traumatismes. Par exemple, dans l'enfance, on peut voir l'émergence de TOC dans l'enfance, et il y a pas nécessairement de traumatisme associé, mais on sait que par exemple les violences intrafamiliales sont des facteurs précipitant. Il y a des moments qui ne sont pas traumatiques en tant que tels, qui peuvent être des moments de grands changements dans la vie, par exemple le postpartum, l'arrivée d'un enfant, qui vont déclencher non seulement des changements dans l'organisation psychologique, mais aussi des changements hormonaux, etc., qui peut-être contribuent à l'émergence du TOC. Donc, on peut pas, c'est pas des pistes qui nous permettent aujourd'hui d'identifier une chaîne causale, si vous voulez. C'est plutôt effectivement multifactoriel. Alors, pour rassurer nos auditeurs, évidemment, tous les enfants ont des rituels magiques, évidemment, il faut pas marcher sur les lignes du trottoir, enfin, bref, tous les enfants ont ça. Est-ce qu'on identifie un moment, un point de bascule où d'un seul coup ces rituels deviennent envahissants, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Peut-être que les rituels magiques de l'enfance, Karim Ndiaye, et les TOC sont deux choses radicalement différentes. Alors, deux choses radicalement différentes, je crois qu'on peut pas le dire, parce qu'il y a des données vraiment de la littérature sur, un spectre. C'est-à-dire que, aujourd'hui, on peut décrire que, chez les enfants, mais aussi chez les adultes, on va avoir une occurrence de ces troubles, de ces symptômes subcliniques, on va appeler ça, c'est-à-dire qu'ils vont exister chez des populations qui ne souffrent pas de troubles psychiatriques. Et ça a été très bien décrit, par exemple, chez les étudiants anglais. On a documenté 25% d'entre eux, dans une période d'examen, pouvaient avoir des rituels. Et donc, évidemment, ça devient quelque chose de très, très général. Et c'est par contre pas du tout pathologique. C'est-à-dire que ces personnes vont éventuellement en avoir un petit peu pendant un certain temps, en particulier dans une période de stress, et puis ça va disparaître. Et chez certaines personnes, malheureusement, ça va devenir effectivement, ou ça va être associé à un TOC. Mais chez l'enfant, on a un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a vraiment un spectre avec des enfants qui vont être plus ou moins exprimer des symptômes, ou en tout cas des comportements de type compulsif ou répétitif, pour être plus modeste, et en fait la part d'entre eux reste, c'est très difficile aujourd'hui de prédire une évolution. En fait, ça, c'est vraiment un des défis sans doute de la psychiatrie, d'essayer d'être un peu plus prédictive. Luc Mallet, à ce propos. Oui, bah non, je ne ferai que confirmer ce type de choses. Je pense que, encore une fois, c'est vrai que c'est très compliqué de prédire les phénomènes de transition, et on n'a pas de piste particulièrement pour anticiper sur ça. Et j'ai envie de dire, pour rajouter ce que vous avez dit tout à l'heure, très important, c'est de rassurer les gens. Enfin, c'est très très banal d'avoir des TOC aussi dans l'enfance. C'est un peu développemental, de même d'avoir des tics, hein, d'ailleurs, sans pour autant passer sur un gilet de tourette où on se met à insulter les gens, à traiter des petites gens de freluquets ou je sais pas quoi. Et puis que ça parte avec des borboriques ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas de problème avec ça, et il faut pas s'inquiéter, parce qu'on a des TOC qui, la plupart du temps, vont disparaître quand même. Alors c'est vrai que c'est l'importance, encore une fois, et la gêne, et c'est là où il faut être attentif avec son enfant ou avec ceux qui entourent, c'est d'essayer de parler. Et je remettrai une dernier point de clinique qui est important, c'est que il faut comprendre que les patients qui expérimentent les TOC, quand même, très souvent ont honte de ces troubles, et c'est pas quelque chose dont on parle facilement. Donc ce qui peut expliquer que des gens souvent restent longtemps sans être traités, ce qui est dommage, parce que quand on traite très tôt et très vite, on a un meilleur pronostic. Et on va en venir justement au traitement. Dernière question avant justement de parler, notamment, on ne parle plus de TOC mais de ROC, hein, pour des traitements, des troubles résistants ou persistants. Un mot justement sur les limites hautes. Jusqu'où peut-on souffrir de troubles obsessionnels compulsifs s'il y a une limite haute? Est-ce que ça peut arriver à finalement être totalement invalidant pour une vie sociale? Est-ce que ça peut conduire à des cas sévères, Karim Ndiaye, qui... Alors, je pourrais là aussi laisser les psychiatres décrire les cas. Ce qui est vrai, c'est qu'on a, nous, dans l'équipe, on a travaillé avec des patients qu'on a essayé de décrire, on a essayé de travailler sur des protocoles expérimentaux où on a fait venir des patients qui étaient très très sévères et qui avaient leur vie complètement envahie. Donc là, vous parliez d'une vie sous contrôle, ils avaient complètement perdu le contrôle de leur vie, effectivement. Et plusieurs heures par jour pouvaient vérifier le fait qu'ils étaient douchés sans avoir perdu quelque chose, est-ce qu'ils n'avaient pas laissé leur porte ouverte, est-ce qu'ils n'avaient pas laissé fermer leur gaz. Et ça pouvait durer des heures et des heures par jour. Donc évidemment, dans ces contextes-là, ça devient très difficile d'avoir une vie sociale. Et ça un impact aussi sur l'état mental de la personne individuellement, c'est-à-dire qu'elle passe son temps dans cette angoisse de vérification, par exemple, et ça va être un fardeau très important. Luc Mallet. Oui, je rajouterais, juste en pensant, j'ai plusieurs patients en tête où leur vie sociale était totalement moribonde au bout d'un certain temps, c'est-à-dire que, par exemple, envahi de rituels du matin au soir, il faut essayer d'imaginer ce que c'est que si en sortant de sa chambre, on doit marcher sur des lignes sur le sol de façon totalement exacte, que à chaque fois qu'on a l'impression qu'on n'est pas dans le just right, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait exactement le pas qu'il fallait sur la ligne, on est obligé de recommencer, on peut mettre une heure à sortir de sa chambre, et puis tout d'un coup on a la même chose pour sortir quelque chose de son sac, dans son armoire, et se laver les mains pour fermer le robinet. Et là on arrive à des patients qui ont des heures et des heures, 8 à 12 heures de TOC par jour, où là la vie disparaît. C'est vraiment pour les formes les plus sévères, qui heureusement sont quand même minorité des patients. Pour ces formes sévères, donc, qu'on appelle des ROC parce qu'elles sont résistantes, eh bien il y a des pistes de recherche expérimentales. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes justement rendu à l'ICM, à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, à la Pitié-Salpêtrière, où se déroulent des recherches qui ouvrent des pistes intéressantes en optogénétique. Oui, j'ai rencontré Eric Burger, qui est le chef de l'équipe neurophysiologie des comportements répétitifs et qui s'attache, grâce à l'optogénétique, à comprendre et maîtriser les comportements compulsifs chez des souris avant, qui sait, un jour, pouvoir faire ça chez l'homme. Le principe des travaux de recherche de l'équipe d'Eric Burger est de décrypter les signaux neurobiologiques propres au comportement compulsif et, grâce à cette détection, de stimuler par l'optogénétique les couches neuronales impliquées pour limiter, voire annuler la compulsion. Avec les manipulations qu'on fait chez l'animal, on peut avoir une idée de qu'est-ce qui provoque cette compulsion. Donc, en l'occurrence, l'hypothèse qui était proposée, c'était de dire, par la stimulation, on arrive à agir sur un frein dans le cerveau qui arrive à réguler l'expression de ces comportements qui ont été appris, qui sont normaux de toilettage, mais naturellement, dès qu'on voit un savon, on va pas tout le temps se laver les mains, parce que on va s'inhiber si on n'a pas besoin de se laver les mains, parce qu'on s'est lavé une heure avant. Et l'idée qu'on se disait, c'est que donc il y a un frein là-dessus qui dit on voit le savon, on associe ça à se laver les mains, mais on le fait pas parce que c'est pas nécessaire, et ce frein sert à ça. Et si ce frein est déficient, eh ben on se disait, à chaque fois qu'on va être exposé au stimulus, on va avoir une envie irrépressible de le faire, et ça pourrait conduire à des compulsions. Ça, c'est une des hypothèses qu'on a proposées, et on a essayé d'identifier donc le substrat cellulaire qui pouvait être ce frein dans le cerveau avec nos études chez l'animal. Si on revient à un point important de vos recherches, c'est le recours à l'optogénétique. Est-ce que vous pourriez nous dire, voilà, pourquoi ça a été important, ce recours-là? Pourquoi il a été intéressant? Comment ça a fonctionné, finalement? Alors, l'optogénétique, c'est une technique relativement récente, qui devient un standard dans les labos de neurosciences, mais qui consiste à aller modifier le matériel génétique de certains neurones pour les rendre sensibles à la lumière. Et ensuite, avec une fibre lumineuse, généralement, on peut aller moduler l'activité des neurones et donc de notre cerveau, entre guillemets, de manière automatique. Enfin, c'est nous qui décidons quand est-ce qu'on active des zones du cerveau ou pas. Donc, c'est un outil assez puissant parce qu'en plus, ça peut nous permettre de choisir le type de neurones qu'on veut moduler ou pas. Et dans le cadre de nos recherches, ce que l'optogénétique a apporté, c'est qu'on a pu aller moduler très spécifiquement des neurones qu'on suspectait être responsables. Et en l'occurrence, les interneurones. Alors ça, on les suspectait dans une étude qu'on avait faite auparavant, où on avait montré que cette voie était impliquée. C'est ce que j'avais pu faire aux États-Unis. Et on avait suspecté ces interneurones d'être ce frein dysfonctionnel à la régulation de nos TOC. Et ce qu'on a fait dans des travaux très récents, qui vont, j'espère, être publiés prochainement, donc qui ont été faits par Lisbeth Mondragon et Christian Schreiweiss dans notre équipe, et elles ont pu montrer que on pouvait sélectionner spécifiquement grâce à l'optogénétique, donc grâce à l'aspect génétique, ces interneurones dans les structures sous-corticales. Et si elles n'activaient que ces interneurones, qui représentent 2% de la population, donc c'est très peu, elles arrivaient à montrer qu'on arrivait à baisser les syndromes compulsifs, les symptômes compulsifs, de la même manière que quand on stimulait toute la voix. Donc il semble vraiment que ce soit eux qui soient les key players, comme on dit en anglais, de la régulation de ces comportements. Et alors, juste pour la fin de l'histoire, parce que ça vous montre ce qu'on peut faire chez l'animal et qui donne vraiment des perspectives assez ambitieuses chez l'homme, c'est que elles ont pu faire, donc notamment Lisbeth, ils ont réussi à lire l'activité du cerveau. Alors là, cette fois-ci, elle a détecté dans le cortex, pas dans les structures sous-corticales, mais des signaux qui arrivaient juste avant la compulsion. Donc ça nous permettait de prédire l'arrivée d'une compulsion. Et ce qu'elle a fait, parce que maintenant les techniques actuelles de machine learning nous permettent de faire ça, elle a utilisé ces signaux qu'elle pouvait surveiller en temps réel, et dès qu'elle les détectait, elle allait stimuler ses interneurones pour que la compulsion qui devait arriver n'arrive jamais. Donc c'est ce qu'on appelle des stimulations en boucle fermée, donc c'est stimuler au bon moment, c'est lire l'activité de notre cerveau, détecter quand il y a le symptôme qui va arriver et faire en sorte qu'il n'arrive pas en agissant sur les circuits d'intérêt. Donc ça c'est une étude qui est finalisée maintenant, qui est en cours de publication, mais bien sûr si on... Toute cette architecture technologique plutôt pourrait être complètement adaptée à l'homme, il y a quelques études équipes qui commencent à le faire dans certaines pathologies avec un intérêt certain, c'est-à-dire que typiquement pour des pathologies comme le TOC, les symptômes s'expriment pas tout le temps, sont pas des maladies neurologiques avec un tremblement essentiel ou donc c'est vraiment il y a des phases où ça s'exprime les compulsions et on pourrait aller agir sur le cerveau que à ce moment-là si on arrivait à détecter un signal dans le cerveau qui disait attention. Là, on va se mettre dans un mode compulsif. Et l'intérêt de ça, c'est que le cerveau reste quand même plastique. Et si on arrivait à agir sur l'activité du cerveau dans un contexte défini qui déclenche les compulsions, on peut se dire qu'il pourrait y avoir un effet thérapeutique chronique à long terme qui pourrait baisser, modifier durablement le système et baisser les compulsions. Donc tout ça, c'est des voies de recherche qui sont ouvertes par ce qu'on peut faire, qui sont bien sûr plus lentes à mettre en évidence dans le cadre de recherche chez l'homme, mais en tout cas, on peut faire ces allers-retours constamment entre l'homme et l'animal. Voilà, ces pistes de recherche, alors qui sont évidemment de la recherche très très fondamentale en optogénétique, une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Karim Ndiaye ? Donc, la première réaction, c'est effectivement qu'aujourd'hui, on a des éléments sur la circuiterie, disons, cérébrale de ce qui pourrait être les compulsions et les obsessions. Quels sont-ils Je vais quand même commencer par une petite acte de prudence, qui est de dire, on est quand même au début de toute cette recherche-là. C'est des travaux qui sont très compliqués à mener, parce que, évidemment, on peut difficilement, vous l'imaginez bien, avoir en laboratoire quelqu'un qui fait sa compulsion au moment où il l'a fait. Donc, on est obligé de reproduire plus ou moins en laboratoire des situations qui déclencherait quelque chose comme des obsessions ou des formes atténuées des obsessions. C'est des choses que nous, on a fait, par exemple, au laboratoire. Et donc, quand on fait ça, quand on va observer le cerveau en activité des personnes qui souffrent de TOC comparé à des témoins, donc qu'on va essayer d'apparier pour qu'il n'y ait pas de différence, par exemple, liée à l'âge, liée au sexe, liée au niveau d'éducation, on se rend compte qu'il peut y avoir des activités de certaines régions, notamment des régions qu'on va appeler des régions frontales. Et au sein des régions frontales, donc en avant du cerveau, les régions orbitofrontales, c'est des régions qui sont, si vous voulez, pour les situer au-dessus des orbites des yeux, donc vraiment sur le plancher du cerveau, et qui ont une activité, disons, qui sont hyperactives dans le TOC, de façon, disons, un peu comme ça, grossière. On peut dire que chez ces patients, on a une hyperactivité de ces régions-là. Qui sont dans le cortex singulaire, hein, c'est ça? Alors, c'est une région encore différente. Il y a ces deux régions qui sont orbitofrontales, qui sont au niveau de la partie un peu basse du cortex préfrontal, juste au-dessus des yeux. Puis dans le cortex singulaire, qui est la région qui est à peu près au milieu du cerveau, si on veut, il y a aussi une hyperactivité. Et donc, ces régions-là semblent être liées à la présence de TOC. Mais maintenant, est-ce que c'est des régions qui vont être importantes, c'est-à-dire dans la mécanique, et qui vont être vraiment au cœur du TOC, ou est-ce que c'est des régions qui sont activées parce que le TOC est présent? C'est très difficile de le mettre en évidence. Et en plus, on sait aujourd'hui que parler de grandes régions comme ça, c'est très grossier par rapport à la finesse de l'architecture du cerveau. Et en fait, de plus en plus, on essaie de se distancier un peu de ces cartographies un peu simplistes qui voudraient dire que telle région fait cela. C'est ça. On en a beaucoup parlé ici. On a un peu fini avec cette vieille conception de telle zone détermine tel comportement, et on sait que tout ça est beaucoup plus réparti. La recherche est aujourd'hui a essayé d'identifier une région avec un mécanisme et a essayé de décrire de façon la plus fine possible, y compris d'un point de vue mathématique, en faisant un modèle pour faire des prédictions un peu plus fines de ce que fait l'activité de telle région dans le comportement. Et donc ça, c'est vraiment le travail de recherche qui est actuel. Et comme pour faire le lien avec ce que disait tout à l'heure Eric Burguère, maintenant, avec ces pistes-là, on peut aller chercher des régions d'intérêt. C'est-à-dire qu'on se dit, puisqu'on sait que ces régions-là sont impliquées dans le TOC, si on doit chercher un signal qui est associé aux compulsions, alors on va plutôt le chercher dans ces régions-là. Ça va plutôt nous donner, si vous voulez, des zones d'intérêt, plutôt que nous donner exactement la solution. Et d'aller voir ensuite comment s'organise la distribution de l'information et des impulsions nerveuses au sein de ce cerveau. Luc Malène, réaction au reportage et à cette branche de recherche. C'est tout à fait important, et c'était bien de parler de la prudence, mais c'est vrai qu'il y a de grands espoirs, notamment, c'est que le grand mérite de cette recherche, c'est effectivement de raisonner en réseau, en réseau de fonctionnels, et en fait, ce qu'on retrouve, en essayant de prendre un peu de recul, c'est on retrouve les grandes catégories de choses qui étaient décrites et qui sont des enjeux, par exemple, en psychothérapie appliquée au TOC, qui sont les mécanismes de régulation et d'habituation de la peur, puisque finalement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on, le TOC, quelque part, sous une forme de description, c'est qu'on se conditionne à une peur et on n'arrive pas à la déconditionner, à l'habituer. Donc il y a les mécanismes d'habituation de la peur, il y a les mécanismes de restructuration des pensées cognitives avec les biais négatifs qui existent chez le TOC, et il y a aussi toute une vague de psychothérapie qui cherche à reconstruire, à remodeler les pensées, et puis il y a l'apprentissage de l'extinction de ces phénomènes qui sont surconditionnés. Et en fait, à chacun de ces grands mécanismes, il correspond des réseaux entre des aires corticales et des aires sous-corticales. Et l'intérêt des travaux en optogénétique, c'est d'avoir des techniques extrêmement sophistiquées, mais des modèles relativement simples. Je veux dire, les modèles animaux, c'est des souris. On va pas chercher des ornithorynques. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont accessibles totalement. Et en fait, avec ces modèles, on arrive quand même à une finesse d'analyse extraordinaire qui permet de distinguer des réseaux qui sont en lien avec la réalité clinique de ce qu'on observe chez nos patients. Et ça, c'est un très grand espoir. Alors évidemment, on n'en est pas là. On parle de recherche fondamentale et éventuellement pour des cas résistants extrêmement sévères. Heureusement, les TOC se traitent beaucoup plus simplement. On n'a pas besoin d'ouvrir la boîte crânienne pour les traiter. La thérapie la plus courante aujourd'hui, Luc Malès, c'est une thérapie cognitivo-comportementale Oui, alors même de désassociation, comment oui, ça se passe? Alors carrément comportemental avec ce qu'on appelle prévention de la réponse et extinction prévention de la réponse, c'est-à-dire exposition et prévention de la réponse, pardon. On expose le patient au stimulus qui génère les TOC et on lui apprend à prévenir la réponse comportementale ou la réponse de pensée vis-à-vis de ce comportement. Donc ça c'est une thérapie comportementale cognitive qui est très validée, qui est très efficace. Alors on a besoin de temps en temps d'associer ou alors en première ligne aussi des médicaments qui sont des médicaments anti-obsessionnels qui jouent généralement sur la sérotonine et qui sont des inhibiteurs sélectifs de recapture. Voilà, de la recapture qui sont relativement bien tolérés dans les dernières formes et qui arrivent. Alors par contre le message c'est vraiment de dire aux gens que il faut prescrire ces médicaments à la posologie qui est celle anti-obsessionnelle et qui n'est pas celle antidépressive puisque ce sont aussi des médicaments antidépresseurs mais on ne les prescrit pas dans cette indication-là et là il faut être patient aussi parce que l'effet souvent est décalé dans le temps et on a besoin de plusieurs semaines d'action. Non, mais c'est 3 semaines, 1 mois. Oh, ça peut être même. Alors en fait, les dernières données donnent effectivement des réponses sur certains qui sont précoces, mais avant de dire qu'il y a échec du traitement, ouais, il faut attendre beaucoup de semaines en fait. Mais ces solutions médicamenteuses, elles sont utilisées plutôt. J'ai lu et je parle sous votre contrôle à l'un à l'autre, hein, mais plutôt chez des cas relativement lourds, plutôt chez des enfants ou chez des adolescents, c'est-à-dire en première intention, quand on est vraiment face à des comportements qui sont très très très handicapants. Le mieux en première intention, c'est effectivement la psychothérapie, mais il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème des moyens aussi qui sont offerts aux patients. Et aujourd'hui, les psychothérapies n'étant pas remboursées par la sécurité sociale, c'est parfois très compliqué. Et puis on manque de psychothérapeutes formés aussi. Donc des fois, le traitement peut être aussi par défaut, c'est-à-dire qu'on va essayer de soulager les gens et les aider. Et puis certains patients vont être, pour des raisons complexes qu'on ne peut pas aborder ici, mais pour certaines raisons, vont être moins sujets à réagir favorablement aux psychothérapies, ou alors vont avoir besoin des deux. Donc en fait, de façon pragmatique, face à quelqu'un qui a un TOC, souvent on prescrit un petit peu les deux, on essaie de mettre en place, et avec ça, on arrive quand même généralement à au moins 50% de réponses. J'ai lu, Karim Ndiaye, qu'il y avait aussi des possibilités, alors en seconde ou voire en troisième intention, de stimuler stimulation cérébrale profonde aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui peut déboucher? Alors là, on rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est vraiment dans des cas très lourds, très sévères et résistants. Donc c'est pour les patients. C'est d'ailleurs Luc Mallet qui a été un des pionniers dans la découverte de cette technique-là pour des patients très résistants, donc qui sont à la fois très sévèrement atteints et très résistants, donc qui sont passés par tous les échecs thérapeutiques malheureusement des psychothérapies, de la médication, des différentes formes de médication. Et dans ces cas-là, effectivement, un peu en dernier recours, il y a cette forme, ce type d'intervention qui sont très lourdes, mais efficace néanmoins. Donc ça, c'est quand même très porteur d'espoir aussi. Luc Mallet, un mot justement là-dessus, sur la stimulation cérébrale profonde. Oui, aujourd'hui, c'est une opportunité qu'il faut connaître pour les patients qui sont désespérés, car c'est effectivement un traitement pour lequel nous avons des résultats au long cours qui sont quand même très, très encourageants, avec des taux de réponse très élevés, mais qui nécessitent par contre des... Dans quel ordre? On a un taux de réponse qui est de l'ordre de presque... Alors 90% en réponse partielle et plutôt 70% en réponse disons c'est des chiffres, mais 70% oui, c'est vraiment voilà, significatif, pour des patients qui étaient extrêmement sévères comme ceux dont on a parlé plus tôt, qui avaient des heures de compulsion. Donc ça, c'est un espoir. Il est vrai que les travaux par exemple d'Éric Burguière donnent des pistes aussi pour ajuster, optimiser ces traitements en termes de ciblage dans le cerveau, mais ce sont des travaux qui demandent beaucoup de des approches translationnelles, une collaboration entre des chercheurs et l'hôpital, et puis des moyens pour pouvoir poursuivre ces travaux à l'hôpital, parce que c'est évident que ces techniques-là, elles nécessitent vraiment un travail dans le service public. Disons, il n'y a pas de valorisation possible immédiate. Pour conclure, peut-être un mot aussi pour un peu plus rassurant et pour les cas les plus courants. Aujourd'hui, quand on développe à un moment donné un TOC à une époque de sa vie, on arrive assez bien à en sortir. La prise en charge, la guérison, en tout cas la rémission est relativement... Oui. Le message, c'est que si on a un TOC et qu'on essaie de se renseigner et de trouver les bons praticiens, on va avec la psychothérapie et éventuellement psychothérapie plus médicaments dans 60% des cas. Dans 50% des cas, vraiment très bien répondre. Dans 60 à 70% des cas, ça demandera un traitement de deuxième ligne, mais on va vraiment arriver à quelque chose de mieux, à une rémission, arriver à contrôler son TOC. Il reste les 30% pour lesquels c'est un petit peu plus difficile, pour lesquels on a beaucoup de pistes d'espoir quand même. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Karim Ndiaye, merci Luc Mallet d'être venu nous parler de ces troubles obsessionnels compulsifs. Vous pouvez retrouver évidemment l'émission comme chaque jour sur votre application de podcast favorite. Pourquoi pas la très belle application de podcast de Radio France, et ainsi scientifique sur le site de France Culture, franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Antoine Beauchamp, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguette de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation et Adèle Caglar à la technique. Demain, destination vide, non pas avec Franck Herberg, mais nous nous intéresserons au vide cosmique, ces régions dans lesquelles la densité de matière dans l'espace s'effondre. Pourquoi ces immenses zones de vide alors que l'univers est censé être isotrope et homogène? Eh bien, on vous donne des éléments de réponse demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.